Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'affaire Monica Lewinsky. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false, and I need to go back to work for the American people. Thank you. Le président américain Bill Clinton, le 26 janvier 1998, qui déclare ne pas avoir de relations sexuelles avec cette stagiaire de la Maison-Blanche, Monica Lewinsky, et qui dit aussi qu'il n'a jamais demandé à quiconque de mentir. Le président rajoute en terminant qu'il veut maintenant retourner travailler pour le peuple américain, mais les choses ne seront pas si faciles pour lui. Cette affaire Lewinsky va lui coller à la peau pendant une année complète et entachera même, et très sérieusement, la fonction présidentielle. Bill Clinton va même devenir le troisième président américain à faire face à une procédure de destitution. Le président des États-Unis, Bill Clinton, est impliqué dans une nouvelle affaire de mœurs doublée d'allégations d'obstruction de la justice. Dans une entrevue qui sera diffusée ce soir au réseau de télévision PBS, Bill Clinton nie toute l'histoire avec vigueur. À Washington, un des leaders républicains n'a pas perdu de temps pour affirmer que le Congrès pourrait destituer le président si les allégations rendues publiques par le Washington Post, le Los Angeles Times et le réseau ABC étaient prouvées. Notre collaborateur Philippe Reltien résume cette dernière affaire. Monica Lewinsky fait son entrée malgré elle au tableau de chasse des prétendues conquêtes sentimentales du président Clinton. Il y a déjà eu beaucoup de publicité sur les infidélités du gouverneur de l'Arkansas faites par Jennifer Flowers, la chanteuse de cabaret, et surtout par Paula Jones qui fait un procès au président pour harcèlement sexuel. Bill Clinton a dû passer 6 heures samedi dernier à répondre en tant qu'accusé aux questions gênantes des avocats de Paula Jones. Mais l'ennui avec Monica, c'est qu'elle a confessé à sa collègue de bureau 1 an et demi de relations sexuelles avec le président, à qui elle a porté son courrier, et que cela a été enregistré à son insu. Dans l'une de ses conversations, elle aurait soutenu que Bill Clinton et son ami intime, l'avocat Vernon Jordan, l'auraient convaincu de faire un faux témoignage pour aider Bill Clinton dans son procès contre Paula Jones. Mais en faisant des confidences à sa collègue de bureau, elle a involontairement mis en marche une enquête pour obstruction de justice et subornation de témoins qui pourrait affaiblir Clinton si les allégations sont confirmées. Si c'était le cas, on peut être sûr que certains républicains au Congrès demanderaient la destitution, l'impeachment du président. Bill Clinton réagit dans un premier temps dans un communiqué pour dire qu'il est scandalisé par ces accusations, qu'il n'a jamais eu de relation inopportune avec cette femme et que tout le monde devrait dire la vérité en la matière. Washington, Philippe Reltien pour Radio-Canada. Ce reportage de Philippe Reltien, il est diffusé le 21 janvier 1998, 2 jours après l'éclatement de l'affaire Lewinsky. Pour nous raconter cette affaire qui va vraiment faire trembler la présidence américaine, la politologue de l'Université de Sherbrooke, habituée de l'émission, Karine Prémont. Karine, une affaire de mœurs, au départ, qui va, on vient de l'entendre, très rapidement devenir une très, très grosse histoire politique. Une grosse histoire politique, une grosse histoire juridique également. Ça va durer 1 an. Ça va complètement paralyser la politique américaine, la société américaine. On ne parlera que de ça pendant 1 an. Et on l'a dit, ça mènera une procédure de destitution, phénomène assez inédit dans l'histoire. Ouais. Il va s'en tirer, Bill Clinton, puis on y reviendra évidemment au cours de cette émission. Il reste que, dès le départ, avec ce qu'on vient d'entendre, quand il dit, c'est assez culotté, parce qu'on la connaît cette histoire, quand il dit, à l'occasion de ce 21 janvier 1998, « Je souhaite que tout le monde dise la vérité dans cette affaire », ça fait sourire. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Comment ça éclate, l'affaire Lewinsky? Ça éclate mi-janvier 98, le 19 janvier plus précisément, quand le Drudge Report, qui est un site Internet un peu comme le Huffington Post qu'on connaît aujourd'hui, qui est réputé plutôt conservateur, qui va diffuser cette nouvelle-là. Il aurait entendu des enregistrements, il aurait entendu des gens parler de ça, du fait qu'une stagiaire, une ancienne stagiaire de la Maison-Blanche aurait eu des relations sexuelles avec le président Clinton. Dans la réalité, ce sont les journalistes de Newsweek qui ont entendu pour la première fois les enregistrements. Ils ont décidé de ne pas publier. Et le Drudge Report, lui, a entendu parler de cette affaire-là et décide de publier. Et c'est là où tout éclate. D'autant plus qu'il y a déjà cette procédure contre Paula Jones qui est en chemin. Donc, à partir de ce moment-là, toutes les histoires sexuelles concernant Bill Clinton se retrouvent, d'une certaine façon, mises dans le même sac. Et ça va aller très, très, très vite à ce moment-là. Oui. Kenneth Starr va être un personnage central, le procureur indépendant dans l'affaire Lewinsky. Qui est-il et à quel moment il intervient dans cette affaire-là? Kenneth Starr est le procureur indépendant des États-Unis. Il avait également travaillé sous George H. Bush précédemment. Et c'est quelqu'un qui travaille déjà au moment où... républicain. Oui. Ouais. Donc, ça, c'est assez clair. Et ce sera le nœud de l'affaire, je vous dirais même, parce que Kenneth Starr, comme beaucoup de républicains à l'époque, est farouchement anti-Clinton. Il travaille déjà à ce moment-là sur d'autres dossiers qui impliquent les Clinton, notamment ce qu'on a appelé l'affaire Whitewater, qui est une histoire de finances, de fraude qui se serait produite là dans les années 70 et qui impliquerait les Clinton. Alors, il cherche des preuves, en fait. Il travaille à ces dossiers-là lorsque Linda Tripp va aller le rencontrer et qu'il va lui offrir les enregistrement qu'elle a effectué avec Monica Lewinsky, qui était sa collègue de travail. Et c'est là où Kenneth Starr va demander l'élargissement de son enquête pour inclure à ce moment-là l'affaire, ce qui deviendra l'affaire Lewinsky. Donc, ces fameux enregistrements, ils sont vraiment importants, centrales dans l'affaire. On écoute un extrait de ces enregistrements de conversation entre Linda Tripp et Monica Lewinsky. Un extrait court où Monica Lewinsky essaie de raconter un peu à Linda Tripp pourquoi elle tombe amoureuse du président. I know this is so stupid, but Linda, I don't know why I have these feelings for him. Maybe I'm crazy. Maybe I don't really have these feelings. Maybe I'm pretending it. And the first time I ever looked into his eyes close up and was with him alone, I saw somebody totally different than I had expected to see. And that's the person I fell in love with. Donc, la jeune Monica Lewinsky, parce qu'on l'oublie, mais elle est très jeune, elle est stagiaire à la Maison-Blanche, qui raconte, donc brièvement, elle sait pas trop si elle a tout inventé ça, si elle est vraiment amoureuse du président, mais elle raconte, quand je le vois, quand je le regarde dans les yeux, c'est cet homme que je vois, duquel je tombe amoureuse. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'ils vont être centraux, ces enregistrements dans l'affaire Lewinsky. Qu'est-ce qu'ils disent, ces enregistrements-là? Ils racontent ni plus ni moins cette histoire-là, cette rencontre entre Monica Lewinsky, qui a 22 ans au moment où elle tombe amoureuse du président, ou en tout cas ce qui en tient lieu dans la façon dont elle le raconte. Bill Clinton en a 50, c'est le président des États-Unis, alors on voit tout de suite le potentiel dramatique de la chose. Ouais. Et ce que les enregistrements racontent, ce sont les rencontres impromptues, ce sont quelquefois les rencontres organisées, effectivement, ce sont les transferts de Monica Lewinsky dans d'autres départements, dans d'autres agences, à d'autres emplois, pour justement éviter le scandale. Donc, c'est tout ça qu'elle raconte à Linda Tripp, qu'elle va rencontrer au bureau du porte-parole du Pentagone, où elle aboutit à Monica Lewinsky en 96. Donc, Linda Tripp est une collègue de travail. Elle va lui raconter tout ça. Et là, Linda Tripp a l'idée, bonne ou mauvaise, l'histoire la jugera. Quoique les Américains le font déjà, ils la détestent souverainement, cette Linda Tripp. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Donc, elle décide d'enregistrer à son insu Monica Lewinsky. Parce Pourquoi? Qu'elle sent bien, qu'elle a quelque chose de très croustillant à se mettre sous la dent. Mais c'est pas très clair si elle fait ça. Je pense que c'est pas très clair. Hein, si elle fait ça pour clair. Des motifs politiques. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va lui reprocher. On va lui reprocher en fait d'avoir essayé de manipuler une jeune femme sous l'emprise d'émotions fortes, sous l'emprise d'un événement assez particulier dans sa vie, et d'en profiter en fait pour se faire un nom, pour se faire connaître, pour avoir une certaine notoriété. Et 90% des Américains dans un sondage ont dit qu'ils détestaient Linda Tripp, qu'ils étaient convaincus qu'ils essayaient de tirer profit de Monica Lewinsky, de cette histoire-là. Parce qu'elle témoignera au grand jury que mène Kenneth Starr, et effectivement, les chiffres sont désastreux. Les Américains la détestent vraiment, ça, littéralement. Ça, c'est clair. Revenons justement à Kenneth Starr. Comment ça s'amorce? Vous parliez du mandat. Il demande à Janet Reno que le mandat soit élargi. Elle lui dit, d'accord, tu peux y aller, mon grand. Mandat voilà. Assez large, en fait. Il va pas se gêner. Il va appeler des dizaines et des dizaines de témoins, des gens qui sont dans l'entourage de Bill Clinton. Il va même convoquer les agents des services secrets qui sont chargés de la protection du président parce que on peut l'imaginer, connaissent certains secrets, connaissent les allées et venues du président qui ne sont pas nécessairement publiques. Alors, il essaie très fort d'obtenir leurs témoignages. Le président Clinton va invoquer le privilège de l'exécutif pour empêcher ces gens-là de témoigner. La Cour va dire non, ces gens-là peuvent témoigner, doivent témoigner, ils iront. Donc, Kenneth Starr va interviewer en bout de ligne, va entendre en fait près de 70 témoins dans cette affaire-là. Donc, qui vont de l'entourage immédiat du président, justement, jusque aux employés qui ont côtoyer Monica Lewinsky. Et assez clairement, très rapidement, ça devient très politique. On écoute un extrait d'une entrevue qu'accorde le politologue, mais vraiment politologue républicain, qui est très, très proche des républicains, c'est connu, Kenneth Weinstein, qu'on entendait assez souvent à notre antenne à une certaine époque. Il réagit à l'affaire Lewinsky à l'émission Dimanche Magazine en janvier 1998. Oui, moi, je suis triste de le dire, mais je crois que M. Clinton est tout à fait coupable de d'abord de l'affaire avec Mme Lewinsky, qui d'ailleurs n'est pas quelqu'un de droite, c'est quelqu'un de gauche qui a travaillé pour le président, et ce n'est pas quelqu'un dans ce complot de la droite américaine contre M. Clinton. C'est plutôt, comme j'ai dit, quelqu'un qui soutenait le président, qui travaillait à la Maison-Blanche, numéro un. Et numéro deux, cette histoire de Mademoiselle Lewinsky, ça reprend presque tout à fait l'histoire avec Jennifer Flowers qu'on a vue en 92. C'est-à-dire, le président a d'abord, je crois, eu une liaison avec elle, et ensuite, il a demandé que... Et ensuite, il demanda qu'elle le nie, et ce que Jennifer Flowers a refusé de faire. Et ensuite, on voit la même chose avec Mme Lewinsky, donc, y compris avec des enregistrements de M. Clinton appelant à sa maîtresse. Alors, Kenneth Weinstein qui dit il n'y a pas de grand complot de la droite américaine, Mme Lewinsky n'est pas de la droite américaine, mais dans le fond, est-ce qu'il y a effectivement une espèce de grande opération politique dans cette affaire-là? Que veut, que cherche Kenneth Starr avec ce grand jury? C'est clair qu'il y a de l'acharnement politique et très rapidement, tout le monde va s'en rendre compte. Et c'est ça qui va expliquer notamment le fait que Bill Clinton continue à être très populaire, à avoir l'appui du public américain dans cette affaire-là. On sent qu'il y a cet acharnement-là. Ouais. On sent l'hostilité de certains leaders républicains, notamment Newt Gingrich, qui est speaker à la Chambre des représentants à ce moment-là, qu'on connaît plus récemment comme candidat à la présidentielle en 2012, je crois. Donc, ce sont les ultra-conservateurs là, qui détestent les Clinton, qui détestent tout ce qu'ils représentent. Et l'hostilité du Congrès à l'époque, dont les deux chambres sont à majorité républicaine, je le rappelle, peut faire penser à ce qu'on connaît ces temps-ci avec la présence de Barack Obama, où on a justement une opposition républicaine très, très farouche, très obstructionniste. C'est ce qu'on retrouve à l'époque. Et donc, à ce moment-là, toutes les raisons sont bonnes pour empiler les choses, pour amalgamer les choses. Donc, on est déjà sur une affaire de scandale. On a un peu Jennifer Flowers de travers, effectivement, parce qu'elle a révélé pendant les primaires de 1992 qu'elle avait entretenu une longue relation avec Bill Clinton. Et c'est clair, déjà, depuis longtemps, depuis, ma foi, fort longtemps, effectivement, et probablement pour Hillary Clinton même, que son mari aime beaucoup les femmes et a de la difficulté à se concentrer, là, de temps en temps. Et c'est ça qui déborde à un moment donné. Ouais. Là. Il y a l'histoire de mœurs, l'espèce de tableau de chasse, pour reprendre l'expression de Philippe Reltier au début de l'émission de Bill Clinton. Mais il y a aussi, et c'est là-dessus au fond, Kenneth Starr va, parce qu'il veut lui éventuellement se retrouver en procédure de destitution, puis il y arrivera. Ce sera pas sur, il le sait aussi, ce sera pas sur les histoires de, passez-moi l'expression, de couchette ou de mœurs de Clinton. Il veut prouver que le président a manipulé, a tenté. A menti. Voilà. Voilà. Et c'est ça. Donc, on veut pas... en fait, Bill Clinton n'est ni le premier ni le dernier président à avoir eu des maîtresses et ça va se produire encore, j'imagine, dans l'avenir. Mais donc, c'est pas tellement ça qu'on veut démontrer plutôt que le fait qu'on peut pas lui faire confiance, qu'il ment, qu'il se parjure, qu'il fait obstruction à la justice, qu'il intimide les témoins, qu'il empêche les gens de témoigner. Et c'est là-dessus, en fait, on veut démontrer sa malhonnêteté générale, je vous dirais. Et c'est là-dessus que Kenneth Starr travaille très fort et que tout son travail d'enquête, en fait, est dirigé vers cet objectif. Et c'est là-dessus que devra, puis on y reviendra dans quelques minutes, s'expliquer le président Clinton au terme de l'exercice. Mais quand même, un élément qu'on ne peut pas passer sous silence et qui nous ramène justement au bureau ovale et au côté plus croustillant, mais tous les auditeurs vont s'en souvenir, la fameuse histoire de la robe bleue. Oui. Cette robe-là qui sera échangée d'une certaine façon entre Monica Lewinsky et l'équipe de Kenneth Starr en échange de l'immunité de Mme Lewinsky, parce que Mme Lewinsky, je le rappelle, lorsqu'elle a témoigné au procès de l'affaire Paula Jones, avait dit qu'elle n'avait pas eu de relation sexuelle avec le président. Alors, elle-même est accusée de parjure. Ses parents ont témoigné en sa faveur aussi, sont aussi accusés de parjure. Alors là, elle achète l'immunité pour tout le monde, en fait, en disant « Parfait, je vais vous raconter ma version des faits, je vais vous rendre tous les documents à ma possession, dont cette robe bleue sur laquelle le FBI a retrouvé effectivement l'ADN du président et qui va malheureusement devenir une icône presque culturelle. » On rattache effectivement cet événement à cette robe. Robe sur laquelle se seraient retrouvées des traces de sperme, du d'où président, l'ADN, voilà. Analyse et tout le tralala. Bon, Bill Clinton va devoir témoigner devant Kenneth Starr. Il va le faire le 17 août 1998 et le soir même, il va s'adresser ensuite aux Américains. As you know, in a deposition in January, I was asked questions about my relationship with Monica Lewinsky. Comme vous le savez, j'ai fait une déposition en janvier à propos de ma relation avec Monica Lewinsky. Et bien que je n'ai rien à me reprocher sur le plan légal, je dois vous dire aujourd'hui que j'ai eu une relation inappropriée avec Mademoiselle Lewinsky. C'est une erreur dont je porte seule l'entière responsabilité. Mais j'ajoute, comme je l'ai fait devant le grand jury, que je n'ai jamais demandé à quiconque de mentir ou d'entraver le cours de la justice. Mon silence et certains de mes commentaires ont pu induire en erreur les Américains et même ma propre épouse, et je le regrette profondément. I misled people, including even my wife. I deeply regret that. Alors, cette déclaration de Bill Clinton, Karine Prémont, va être déterminante. D'abord, sur l'impact qu'elle aura sur l'opinion publique, puis ça, on va y revenir dans un instant, mais de manière plus terre à terre, et c'est ça la bataille que doit absolument gagner Clinton, ça va avoir un impact important sur cette procédure de destitution qui est enclenchée. Oui. Cette procédure sera enclenchée justement sur les motifs de parjure, sur les motifs d'obstruction à la justice. Et Kenneth Starr va présenter son rapport, après tous ces témoignages-là, va présenter son rapport en septembre 1998 devant la Chambre des représentants, va donner toutes ses preuves. Ce sera rendu public dans la majorité des cas, y compris les enregistrements de Monica Lewinsky, y compris le témoignage de Bill Clinton. Et donc, la Chambre des représentants décide qu'il y a matière à destitution parce que c'est une décision qui relève effectivement de la Chambre basse aux États-Unis. Et il y aura vote. Et le 19 décembre 1998, la Chambre des représentants va se prononcer en faveur de la destitution. Et donc, on envoie à ce moment-là le dossier au Sénat qui, lui, a le pouvoir de juger, de trancher sur cette question. Et c'est ainsi que la procédure se poursuit. Et en février 1999, un an après le début de l'affaire dans les médias, le Sénat va acquitter Clinton de façon assez claire sur la question du parjure, mais il y aura une égalité des votes sur la question de l'obstruction à la justice. Mais comme il faut une majorité aux 2/3, ben ça permet à Clinton de rester en poste et de ne pas être destitué. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de sénateurs républicains en fait qui ont appuyé Clinton d'une certaine façon parce qu'on sentait bien cette hostilité, cet acharnement de Kenneth Starr et de certaines figures républicaines et très conservatrices en fait. Ça devenait vraiment trop partisan, en fait. Trop partisan, trop personnel, en fait. Ouais. C'était une vendetta, ni plus ni moins. Et les Américains eux-mêmes disaient, franchement, on s'intéresse pas tellement à ce que fait le président en dehors de ses fonctions, si on veut, et on continue à lui donner notre confiance. Et dans les faits, les chiffres sont assez impressionnants à cet égard-là. Il a toujours maintenu entre 65 et 85 % d'appui pendant cette période-là. Il s'en tire très bien, finalement. Quoique, j'imagine qu'à la maison, ça devait être un peu moins agréable. Et je pense qu'aussi, il y a ce fardeau qui l'a poursuivi tout au long de sa carrière. Et même encore aujourd'hui, on accuse Hillary Clinton, qui est en campagne électorale, en fait, d'être restée avec son mari à partir de ce moment-là. Donc, les conséquences... Opportunisme politique, ambition personnelle, etc. Donc, cet événement-là continue à coller à la peau des Clinton malgré tout ce temps passé et malgré ce maintien en poste qui a été voté de façon... C'est clair. Et même s'il s'en sort, Clinton, au bout du compte, il reste que l'institution présidentielle n'est pas paralysée, mais en tout cas, elle est diablement touchée pendant une année complète par cette affaire-là. Ça, c'est pas rien. Troisième président dans toute l'histoire des États-Unis à faire face à une procédure de destitution. Oui. Et c'est ça qui est peut-être la conséquence la plus spectaculaire, c'est-à-dire que à partir de ce moment-là, on se rend compte que la vie des présidents, la vie privée des présidents, en fait, n'est plus protégée. C'est le début de la peopleisation de la vie politique. Et je rappelle que ça coïncide avec l'émergence d'Internet. Le Drudge Report était sur Internet. Et ça va consacrer aussi, d'une certaine façon, le pouvoir de ces nouveaux médias, en particulier aux États-Unis. Mais là, ce qu'on se rend compte, c'est que la présidence n'est plus une institution sacrée. On a le droit de creuser, de fouiller, de vider les poubelles. On a le droit de s'acharner sur le président, on a le droit d'aller voir dans sa vie privée. Et là, à ce moment-là, le président va devenir une personne comme une autre ou une vedette comme une autre d'une certaine façon. Et ça aura des conséquences, effectivement, sur l'institution, sur le respect qu'on porte à cette institution-là. Et je suis pas certaine qu'on s'en est complètement remis encore aujourd'hui. Parce qu'on peut penser qu'effectivement, il y a quelque chose qui... ceux qui suivront Il y a une leçon qui aura été tirée de l'affaire Clinton, c'est de dire nous ne vivons plus dans le monde de John Fitzgerald Kennedy. Faites gaffe, messieurs, dames, éventuellement. Oui, c'est ça. Parce que John F. Kennedy avait beaucoup de maîtresses aussi, avait une vie personnelle plutôt, ma foi, assez extravagante. Et les journalistes étaient au courant de tout ça. Il n'y a jamais un mot qui a filtré dans la presse parce qu'on voulait préserver cette institution qui est la présidence et on voulait bien protéger le président de ces excès médiatiques-là. Et effectivement, à partir de Bill Clinton, c'est terminé. Et il faut absolument avoir toujours en tête ce pouvoir des nouveaux médias, cette instantanéité, la facilité avec laquelle on peut diffuser des rumeurs et même transformer des rumeurs aussi en réalité. Mais ça, c'est sans doute un autre dossier. Est-ce qu'il en parle, Clinton? Est-ce qu'il en a parlé dans des écrits, dans des entrevues? Qu'est-ce qui reste de ça quand on... Il reste pas grand-chose parce que Bill Clinton, dans son autobiographie, il consacre, si ma mémoire est bonne, deux lignes. C'est tout. Je pense qu'on veut vraiment évacuer cette partie-là de l'histoire américaine, d'autant plus que ça a coûté, selon certains analystes, en tout cas pas nécessairement au complet, mais ça a affecté grandement la campagne présidentielle de Al Gore, qui était vice-président de Bill Clinton. Ils étaient très amis jusqu'à cette affaire-là. Ça a beaucoup affecté leur relation et Al Gore a dû défendre d'une certaine façon l'intégrité de son président pendant sa propre campagne électorale. Donc, les conséquences ont débordé les Clinton, les conséquences ont débordé la présidence. Et effectivement, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on essaie d'éviter. Pour Monica Lewinsky aussi, ça a été bien difficile, évidemment, parce que elle a été jugée de toutes les façons, sous toutes les coutures. Je me souviens du nombre de reportages sur son poids, par exemple. À chaque fois qu'elle essayait de se réorienter, de se réinventer, elle était attendue de pied ferme par les médias. Donc, elle s'est exilée à Londres pour terminer ses études en psychologie. Elle est revenue aux États-Unis et elle a expliqué, en fait, à quel point ça a été un événement traumatisant dans sa vie, en fait, et qu'elle a été probablement la première personne à être humiliée publiquement dans le monde entier, parce qu'Internet lui donnait pas de répit. Ouais. Et aujourd'hui, vous tapez Monica Lewinsky sur Google et ce que vous voyez, c'est cette histoire-là. Donc, elle est coincée, elle aussi, dans cette affaire-là. Et étant donné son jeune âge, ben, elle en a pour longtemps à en subir les conséquences. C'est vrai que vous parlez des blagues qui ont été faites sur Monica Lewinsky, mais même au fond, on n'en a pas parlé, Karine Prémont, mais à l'international, cette affaire-là a été suivie énormément. Je me souviens en France, entre autres, mais que ça devienne l'histoire que c'est devenu, ça aussi, au fond, même dans des milieux plus sérieux, on s'en est beaucoup moqué. Oui, parce qu'il y a à peu près seulement aux États-Unis où on était si prude sur ces questions-là. C'est comme si les présidents étaient asexués aux États-Unis et pas ailleurs, parce qu'en France, on a une toute autre culture de ce genre de situation-là. En Europe, en général, je vous dirais. Mais là, ça faisait bien sourire les gens parce que on ne comprenait pas, en fait, la distinction qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'on mettait beaucoup l'accent sur le président a eu une aventure extra-conjugale et c'est là-dessus qu'on le juge, alors qu'en réalité, c'était pas du tout là-dessus qu'on le jugeait. Mais en même temps, cet acharnement-là a laissé penser au monde entier, en fait, que n'importe qui pouvait s'en prendre au président américain qui était coupable d'adultère. En fait. Karine Prémont s'arrête là-dessus, politologue à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.